J'ai essayé de vous parler de la trajectoire de SLR qui a commencé il y a 8 ans. Je pense qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, on peut dire que le conflit entre les acteurs de l'enseignement supérieur et la recherche et le pouvoir qui a abouti à la création de SLR trouve très certainement son origine dans l'évolution de l'organisation de l'enseignement supérieur et la recherche depuis le début des années 2000. Et en particulier en 1999, le processus de Bologne, en 2000, le traité de Lisbonne, eux-mêmes dépendant de la transformation du capitalisme industriel en capitalisme financier depuis les années 70. Ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je crois que très peu de ceux qui étaient à l'origine de SLR l'auraient formulé en ces termes en 2003, et on va y revenir. Et certainement, SLR n'a pas été créé par des spécialistes de l'analyse sociale qui essayaient de mettre en pratique les conséquences de leurs analyses. Alors, je vais essayer de dégager un certain nombre de mots clés qui me paraissent importants dans la genèse de SLR, et puis ensuite, dans un deuxième temps, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution dans les premières années de fonctionnement de ce collectif devenu ensuite association. Le premier mot clé, pour moi, c'est les fautes du gouvernement. La première faute a été, en 2003, la réduction très brutale du budget des EPST, puisqu'à un moment donné, il était question d'une réduction de l'ordre de 35% du budget du CNRS, par exemple. La deuxième faute a été... Alors, ce n'est pas une faute, évidemment, selon sa propre logique, puisque c'était une volonté gouvernementale qui n'était pas une erreur de calcul, c'est bien ça qu'il voulait faire. Mais simplement, c'était une faute dans la mesure où c'était pas tenable de demander à des acteurs de la recherche de tout d'un coup continuer à fonctionner dans ces conditions. D'ailleurs, la directrice générale du CNRS à cette époque-là s'est contentée de dire qu'elle ne voyait pas comment il était possible de continuer à travailler dans ces conditions et l'a immédiatement sauté. La deuxième faute, c'était la réduction brutale du nombre de postes pour les jeunes en novembre 2003, qui faisait que pour la première fois depuis la libération, il y avait une baisse du nombre total de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Là encore, faute politique de la part du gouvernement, qui à ce moment-là était dans la logique qui continue de réduction des effectifs dans la fonction publique et qui pensait qu'il valait mieux essayer de sabrer dans un secteur qui ne bougeait pas, qui, quoi qu'on fasse, se laissait tondre et que les chercheurs certainement ne bougeraient pas. Donc il y est allé. Erreur d'estimation. Troisième faute a été celle de Chirac au moment des vœux en janvier, quand il a peut-être senti que les gens n'étaient pas très contents et qu'il a eu le culot de dire que la recherche était une priorité du gouvernement. Et c'est pour nous, les acteurs du secteur, c'était un mensonge tellement évident que ça confinait à l'humiliation. Et c'est une faute politique de penser qu'il est possible d'humilier des catégories sociales, surtout quand elles sont susceptibles de s'organiser. Le deuxième mot-clé, c'est Internet et le site web, puisque ce qui est apparu d'abord dans SLR, c'est en mars 2003 la création du site web essentiellement par Bertrand Montubert et moi-même. L'idée de départ, elle m'est venue après le conflit de 98 entre les chercheurs et Allègre. Et en 98, il y avait une mathématicienne lyonnaise, Michèle Schatzmann, qui est décédée l'an dernier, et que je salue, qui avait fait, de façon totalement artisanale et individuelle, un site web qui avait aidé à la mobilisation contre Allègre et qui avait abouti notamment à une auto-saisine du comité national en décembre 98, qui avait eu un effet. Donc Michèle Schatzmann, toute seule, avait fait un super boulot. Et à l'époque, je m'étais dit, si jamais il y a un gros problème, il faut absolument qu'on ait un site web, un vrai. J'étais incapable de le faire moi-même, j'ai pas les compétences. Et donc j'ai demandé à des gens autour de moi, et puis ils m'ont branché sur Bertrand Montubert, que je ne connaissais pas. Et puis pendant plusieurs mois, on a correspondu, il a créé le site alors que je n'avais jamais vu, lui. Et puis ce site a existé. Mais c'était un site tout seul, c'est-à-dire il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de collectif, il n'y avait rien autour, il n'y avait pas de mouvement important. La seule chose en relation avec ça, ça a été le 10 avril 2003, il y a eu une manifestation spectacle dont le titre c'était l'enterrement de la recherche au Panthéon. On était un millier, Donc clairement, c'était le même groupe, hein, c'était les biologistes, les gens de Cochin où je travaillais. On n'était pas nombreux, mais y avait une mise en scène qui a fait que la chose était visible, qui était répercutée sur le web, qui avait été reprise par les médias et qui fait que ça a eu à peu de personnes, on a eu un certain écho. Puis plus rien du point de vue mobilisation. Mais ce site web, on l'a vu, il était prêt à l'emploi, et au moment où ça pétait, en janvier, il a pu servir tout de suite. Le troisième mot-clé, important pour moi, c'est le mot colère, qui fait écho, évidemment, au premier mot-clé, faute du gouvernement, humiliation, et qui provoque une colère de certains. Alors, en fait, la première colère que j'ai éprouvée en décembre 2003 était bien sûr contre le gouvernement, mais aussi contre mes collègues qui se laissaient tondre. Et d'ailleurs, un texte que j'avais écrit à un certain nombre de collègues à ce moment-là s'appelait « Le silence des agneaux », où je leur disais « Mais comment c'est possible que vous laissiez faire ?» Et en particulier, la question des postes. Dire « Si vous dites rien, si vous faites rien, ça veut dire que vous êtes complice, que vous approuvez ». Et puis c'est à partir de ça qu'on a commencé à discuter de la possibilité d'une action collective et que ça a débouché sur l'appel du 7 janvier 2004 et la création du collectif. Le mot-clé suivant qui me paraît important, c'est l'existence d'un discours critique audible et non syndical. Alors, le discours critique, on critiquait ce qui était en train d'être mis en place par le gouvernement. Le discours en question n'était pas particulièrement original, il reprenait les choses qui existaient. Il était devenu audible, d'une part parce qu'il y avait cet outil, le site web, parce qu'il était simple, mais cette simplicité pose problème et j'y reviendrai. En tout cas, il a été entendu et parce qu'il a été repris par les médias. Alors ça, c'est un peu un mystère. Pourquoi est-ce que les médias, à un moment donné, s'intéressent à un truc et pas à autre chose ? La composante spectaculaire compte, et puis je ne sais pas, s'il y a un côté un peu comme ça qui ne se mesure pas ou qui ne se prévoit pas toujours. Non syndical, c'est aussi assez... il faudra y revenir, c'est-à-dire que les acteurs de départ de Sauvons la Recherche ne faisaient pas partie de syndicats. La plupart étaient non syndiqués, il y en avait quelques-uns comme Henri Audier qui étaient des militants syndicaux connus, et qui ont contribué dès le début et apporté leurs compétences, leurs analyses au mouvement, mais globalement, ce n'était pas un mouvement syndical. Non syndical, ça veut dire aussi que dans SLR, il y avait des gens qui étaient carrément anti-syndicaux, qui ne pouvaient pas blairer les syndicats. Et je me souviens que c'était quelque chose d'assez difficile à gérer, de faire travailler ensemble des gens qui étaient proches des syndicats, carrément syndiqués, syndicalistes comme Henri, d'autres qui avaient une certaine sensibilité, qui s'entendaient facilement avec eux, comme moi, et puis d'autres qui étaient donc... et ça a été vraiment une problématique dès le début, mais progressivement, il y a eu clairement un rapprochement avec les syndicats. Les gens qui étaient très antisyndicaux ont fini par quitter, et puis maintenant, on continue à bosser ensemble, mais je ne veux pas parler plus de ça, parce que je pense qu'Annick y reviendra. Un autre élément qui me paraît important, c'est l'utilisation de formes d'action spectaculaires. Donc, il y a eu pendant tout le temps, en tout cas la première année, mais encore après de SLR, la recherche dans les manifestations ou hors des manifestations de formes d'action qui aient une dimension spectacle. Donc, il y a eu celle que j'ai déjà citée, l'enterrement de la recherche au Panthéon. Et après, dans SLR, quelqu'un comme Georges de Bréjas, qui était particulièrement inventif là-dedans, et qui à plusieurs reprises a fait des suggestions d'utilisation d'éléments spectaculaires, mais chaque fois très chargés politiquement. Par exemple, je me souviens que la manif du 19 mars 2004, qui était la plus grosse manif qui est de chercheurs qui a eu lieu... en général en France, et cette année, étaient portés des grands portraits, des photos d'anciens, Marie Curie, etc. et côte à côte avec des portraits de post-docs qui étaient actuellement quelque part, un peu partout, à travers le monde, et qui espéraient avoir un poste un jour, peut-être pas pour eux. Et il y avait ce mélange des anciens et puis des futurs qui adviendraient ou non, pour moi, ça avait, et je pense que pour beaucoup d'autres, avait une signification forte. Et donc, dans le discours, les discours qui ont été utilisés dans toutes ces périodes, il y a eu des analyses, certes, des analyses sur le site web ou ailleurs, mais il y a aussi ces formes d'action. Après, il y a eu l'Academic Pride, il y a eu des occupations du siège de l'ANR, occupations du CNRS, etc., qui changeaient un peu des manifestations classiques. Un autre mot-clé qui me paraît important, c'est celui de perspective. Cette année-là, on s'était donné deux perspectives précises. La première était celle de récupérer les postes qui avaient été sucrés par le gouvernement. La deuxième, qui était l'organisation des États généraux, puisque on savait que le gouvernement voulait préparer une loi, et tant qu'à faire, on dit, nous, on va préparer des éléments qui pourront être utilisés pour cette loi. Alors, le fait que ces perspectives soient réalistes, en fait, au début, on peut dire qu'elles ne l'étaient pas. Parce qu'un gouvernement qui vient de décider de sucrer 500 postes, de dire, nous, on espère pouvoir les récupérer, ces 500, et en rajouter 3000, c'était pas réaliste. Mais il se trouve que ça a été obtenu. Et la chose importante, c'est qu'en tout cas, on s'était donné ces perspectives et on y allait avec une certaine naïveté, mais volonté aussi. Un autre élément qui a été important dans cette genèse, c'était la volonté et l'apparence d'unité des acteurs de la communauté scientifique. Volonté, ça c'est clair que parmi les gens qui étaient engagés, on essayait de rassembler d'une part aussi bien les chercheurs que les enseignants-chercheurs, les différentes catégories, que ce soit les hors-statut, les chercheurs, les ITA, etc. Et que pendant un moment, on a pu avoir l'impression que ces différentes catégories travaillaient ensemble. Dans la réalité, je dis apparence d'unité, car dans la réalité, les intérêts des uns et des autres ne pouvaient pas et ne sont pas strictement convergents, et que certains se battaient pour la défense d'une recherche un peu abstraite, d'autres pour une recherche à cause de son lien avec l'enseignement supérieur, d'autres, pas mal, au début, parmi mes collègues biologistes qui étaient nombreux, se battaient pour avoir plus de moyens pour leur laboratoire. Ils estimaient que leur laboratoire n'avait pas de quoi bosser et que ce serait bien qu'il y ait plus d'argent qui arrive. Et puis, une fois que l'argent est arrivé dans leur laboratoire, ils étaient moins motivés pour continuer. Donc, c'était un peu les moyens demandés par les patrons. D'autres, c'était plus pour la défense des personnels, alors personnel statutaire ou pas statutaire. Et en fait, ces différentes façons de comprendre « nous défendons la recherche » étaient quand même... à des moments, finissait par poser problème. Mais enfin, il y avait une volonté d'unité, ça c'est sûr, et une apparence qui a été utile à un moment. Et le dernier point qui, à mon avis, était clé, c'est l'écho populaire, c'est-à-dire que le fait que ce mouvement ait grossi très vite et qu'il y a eu quelque chose de spectaculaire a fait que les médias y ont fait écho, que ça s'est fait de telle façon que le mouvement était populaire et que l'obstination du gouvernement de s'y opposer a fait que ça finit par peser sur les élections régionales et que l'échec au régional de fin mars 2004 nous a beaucoup aidé, et c'est juste après que Chirac a cédé. Donc voilà pour moi les éléments qui ont été très importants dans la genèse de Soins à la recherche. Alors maintenant, pour parler rapidement de l'évolution, des évolutions qui ont lieu depuis le début du mouvement. Bon, donc en 2003, j'ai dit, il y avait simplement un site web, personne derrière. En 2004, ce qui a été très important, c'est que avec ce site web, il a été possible d'articuler très bien pendant un moment un discours critique, plus ou moins théorique, et la pratique dans la rue. Que ce soit des manifestations publiques ou des réunions où les acteurs de la recherche se réunissaient, élaboraient. Toute la phase de préparation des états généraux de la recherche a été une phase, quoi qu'on puisse penser de ce que sont devenus ces états généraux, je pense que ça a été un moment quand même d'effervescence intellectuelle collective, où il y a eu beaucoup d'échanges qui ont eu lieu, et donc où théorie et pratique étaient vraiment très liées, exceptionnellement liées. Mais il y a eu, après les états généraux, un net reflux. D'abord, il n'y avait plus de perspective. Les deux premières perspectives, elles avaient été atteintes. Donc l'absence de perspective, ça change. Et ensuite, il y a eu un net découragement quand on a senti que le gouvernement n'avait absolument aucune intention de prendre en compte réellement les conclusions des états généraux. Il y a eu une évolution aussi nette des acteurs, c'est-à-dire qu'au départ du mouvement, c'était clairement des chercheurs en biologie, et puis très rapidement, il a été écrit que bien sûr, ce n'était pas un mouvement de chercheurs en biologie et que tout le monde était, tous ceux qui travaillaient dans la recherche, qu'ils soient dans ce champ disciplinaire ou non, qu'ils soient chercheurs ou enseignants-chercheurs, qu'ils soient ou ITA, leur place était à SLR. Mais ces portes ouvertes ont fonctionné plus ou moins bien. Et il y a eu clairement, en particulier par rapport aux enseignants-chercheurs, quelque chose qui a pas bien fonctionné. J'ai beaucoup entendu que SLR était au départ un mouvement de chercheurs, ce n'était pas pour les enseignants-chercheurs, que SLR s'en foutait des enseignants-chercheurs. Je trouve ça extrêmement injuste. Je rappelle qu'en avril 2004, ce qu'on a obtenu de plus, c'est ces 3000 postes d'enseignants-chercheurs que nous, à SLR, on a arraché non seulement au gouvernement, mais à la CPU. Dans les négociations avec Fillon, puisque c'était lui, les présidents d'université ont été franchement, globalement, lamentables, et ils étaient prêts à laisser tomber, à ne pas se battre pour ces postes d'enseignants-chercheurs. Donc c'est nous, SLR, qui les avons arrachés avec l'aide d'une présidente d'université, dont le nom m'échappe à la seconde, je retrouverai, qui était aussi aux négociations et qui était avec nous. Donc, l'enseignement supérieur ne nous était pas du tout indifférent à SLR. Il n'empêche que c'est vrai, l'intitulé, c'était « Sauvons la recherche » et on parlait tout le temps des chercheurs. Il se trouve que le mot de « chercheur », très souvent, quand je l'employais, comme d'autres l'employaient, était une façon de signifier le tout par une de ses parties. Et ça nous paraissait plus facile de dire les chercheurs que de dire les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, etc. Et ce raccourci, on peut le comprendre. Il n'empêche que le mot qui était utilisé, c'est les chercheurs. Et ceux qui n'étaient pas nommés se sentaient oubliés. Ça, je suis absolument conscient du fait qu'il y a eu un problème et que c'est à cause de ce défaut de prise en compte, notamment des enseignants-chercheurs, que SLU est apparu dans le paysage en 2007. Je me souviens qu'à cette époque-là, à SLR, il y a eu des réactions différentes. Certains considérant que, s'il y a des gens qui pensaient que c'était nécessaire d'organiser ça, c'est qu'on n'avait pas couvert le terrain complètement suffisamment, et que tant mieux, et puis qu'on allait bosser avec eux. Et puis d'autres qui, eux, étaient assez hostile à cela et qui voulait exclure de SLR les gens qui adhéraient à SLU. Donc dans les évolutions de SLR, une évolution qui a été assez importante, qui a peut-être passé inaperçue pour beaucoup d'entre vous, c'est que en 2004 c'était un collectif, en 2005 il y avait une association et un collectif simultanément, et cette coexistence n'avait pas grand sens. Et d'ailleurs depuis 2006, il n'y a plus que l'association, ce qui est logique. Au moment de la coexistence entre collectif et association, il y a eu, le collectif n'avait pas de chef, il y avait un porte-parole que j'étais, et puis il y avait une présidente de l'association, Catherine Dargemont, et il y a eu conflit d'intérêts, de pouvoir, parce que clairement, à ce moment-là, Catherine Dargemont souhaitait prendre le contrôle de l'ensemble du processus, ce à quoi elle n'est pas arrivée, et donc elle est partie en claquant la porte et en faisant un article dans le Figaro, en souhaitant tout le mal possible à SLR qui allait se planter, puisque ce que nous faisions était n'importe quoi. Alors, c'était une période qui n'a pas été très facile, et qui a la naissance de l'association a été un peu douloureuse de ce fait-là. Après, il y a eu une présidente par intérim, Isabelle Sommier, et puis ensuite les présidents que vous connaissez, Bertrand Montubert, puis Isabelle Tisse, Saint-Jean, puis Emmanuel Saint-James. Je pense que dans les évolutions qui me paraissent importantes depuis, il y a le fait qu'en 2009, de nouveau, SLR a été assez fortement dans la lutte, mais le gros changement, c'est que ça n'était plus l'acteur majeur, mais un acteur parmi un certain nombre d'autres. Bien sûr, il y avait toujours les syndicats, mais il y avait SLU qui était actif. Il y a eu toute une série de collectifs, comme vous savez, qui sont formés à ce moment-là. Donc il y a maintenant un nombre important d'acteurs. Il n'en demeure pas moins que SLR, son réseau, son site web demeurent un des lieux d'ancrage, me semble-t-il, important de la lutte. C'est difficile d'estimer quelle est son importance. Je discutais récemment avec des collègues de Lyon en leur demandant, et alors à Lyon, SLR, ça pèse encore un peu, vous êtes... Et puis j'ai compris en échangeant avec eux que, bon, à Lyon, il y a deux personnes, Olivier Dezelus, Olivier Gandrillon, qui sont des gens très actifs, qui sont dans les différentes luttes. Donc numériquement, SLR est tout petit, mais n'empêche que politiquement, je pense qu'il continue à peser fortement. J'aimerais terminer en me moquant de moi-même et de nous, pour vous faire mesurer l'évolution politique de SLR depuis le début. Par curiosité, et parce que j'étais invité aujourd'hui, j'ai relu l'appel de 2004. Et je suis tombé au fond de mon pantalon. Je vais vous lire les premières lignes. Je tiens à préciser, avant de les lire, que ce texte a été très très difficile. Ça a été très difficile que nous nous mettions d'accord dessus. Et le texte que j'avais rédigé au départ, Le silence des agneaux, me gêne moins. J'ai plus l'impression de me ressembler. Celui-là, celui de 2004, n'est pas de ma main, mais n'empêche que je l'ai défendu, que je l'ai, donc j'en assume la responsabilité, même si je ne l'ai pas écrit. Mais c'est clair que jamais j'écrirai ça aujourd'hui. Je vous laisse écouter, il y a là 5 lignes. Et j'arrête après. À l'aube du XXIe siècle, la France a besoin d'une recherche vigoureuse. Cette activité est indispensable aux innovations de demain, au développement économique de notre pays, ainsi qu'à son rayonnement culturel. Dans la conjoncture actuelle, les pays qui ne maintiendront pas un outil de recherche d'excellence seront incapables de suivre... C'est pas fini. Seront incapables de suivre l'accélération de l'évolution économique associée à la production de connaissances. Plus grave encore, ils deviendront rapidement incapables de former les jeunes générations de manière compétitive. Ils entreront donc dans une dépendance économique difficilement réversible. Et bon, je crois que ça se passe de commentaires. Donc je pense qu'on a évolué, que notre pensée politique s'est affinée depuis. Ce qui me trouble quand même, c'est que c'est ce texte qui a été consensuel à ce moment-là. C'est ce texte qui a marché. Et je me demande... Alors, on n'a pas calculé, on n'a pas dit, on va utiliser des formules... On va pas faire, je sais pas, populisme, non pas populisme, enfin, on va pas aller dans le sens du vent pour faire plaisir aux gens. On s'est dit, ça doit marcher. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne laisserai pas passer un truc comme ça, j'aurai un discours beaucoup plus carré. Je ne sais pas si on entraînerait autant les gens. Donc ça pose problème. Hein. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Mais je suis impressionné de la façon dont, à ce moment-là, on était nous-mêmes, enfin les gens qui ont lancé SLR étaient à ce point-là imbibés de la pensée dominante. Bon, on a su s'en extraire, donc tout n'est pas désespéré.